Parfois je suis calme comme une plume, comme une lumière qui allume. Oui, je suis calme et je m'endors comme un ours qui dort. Je suis énervé, énervé, je suis énervé. Je criais, je pétais, je veux tout manger. Énervé, énervé, je suis énervé. Excité, je cours partout, je chante sur mes genoux. Mais d'autres fois, je suis calme comme un verre d'eau. Énervé, énervé, je peux m'énerver. J'entends crier, je sais péter. Putain, putain, putain, putain, putain, putain, putain. Calme, je suis calme et je m'endors. Calme, énervé, énervé, je suis énervé. Calme, je suis énervé, énervé, je suis énervé. Énervé, énervé, je suis énervé. Énervé, énervé, je suis énervé. Calme. Énervé, blablabla. Calme. Je baille tellement, je suis calme. Énervé, énervé. Calme. Énervé, énervé. Calme. Énervé, énervé. Calme, calme, je suis calme. Calme, calme, je suis calme. Énervé, je suis énervé. Calme, calme, voyons. Oups, je suis tout mêlé. Je...